Avoir peur d'une intelligence artificielle est devenu presque un cliché. Et oui, nombreuses sont les œuvres de science-fiction qui ont traité la question. Bien souvent sous la forme d'un soulèvement des machines et d'une guerre apocalyptique. Ces scénarios hollywoodiens ont tendance à banaliser ce qui est en train de voir le jour. La naissance d'une intelligence qui nous dépasse. Aujourd'hui, l'humanité souffre d'une faiblesse à sentir le danger. Particulièrement le danger que représente une super intelligence artificielle. On a plutôt tendance à trouver ce qui entoure la robotique, les ordinateurs, les machines, les IA, plutôt cool. Et c'est bien là une partie du problème. Il semble que nous n'arrivons pas à ressentir une réponse émotionnelle appropriée au développement de l'IA et ses dangers qui l'accompagnent. La peur des machines intelligentes est souvent caricaturée en une armée de robots machiavéliques cherchant à nous tuer tous, ou à nous brancher à la matrice. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable en fait. Nos machines ne deviendront pas spontanément diaboliques. L'inquiétude, c'est que nous allons créer des machines qui seront tellement plus compétentes et intelligentes que la moindre divergence entre nos objectifs et les leurs pourrait causer notre perte. Regardez comment on traite les fourmis. On ne les déteste pas, on ne souhaite pas les manger ou prendre leur énergie, on ne part pas en chasse le dimanche après-midi juste pour en tuer quelques-unes, aucun gouvernement ne leur a déclaré la guerre, parfois on fait même attention à ne pas les tuer en évitant de leur marcher dessus. Par contre, si leur présence entre en conflit avec un de nos objectifs, par exemple construire une maison sur un réseau de fourmilières, alors là, on les extermine sans hésiter, et bien souvent, sans même en avoir conscience. Donc l'inquiétude ici, c'est que nous allons peut-être créer des machines qui nous traiteront, consciemment ou non, avec les mêmes égards. On peut se demander si on va continuer à améliorer l'intelligence de nos machines. L'intelligence est d'une grande valeur. À vrai dire, c'est probablement notre bien le plus précieux en tant qu'espèce. Il y a d'énormes problèmes qui nous attendent et certains qui doivent être résolus dès à présent. Nous voulons un remède contre le cancer ou Alzheimer. Nous voulons améliorer nos systèmes économiques. Nous devons réduire notre impact sur l'environnement. Bref, l'intelligence de nos machines est clairement un moyen d'y parvenir. Notre intelligence nous a permis de développer des outils qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas nier que ces technologies ont eu des effets bénéfiques. On ne vit plus dans des cavernes autour d'un feu en attendant de mourir de vieillesse à 17 ans. Nous n'avons clairement aucune raison de ne pas continuer à développer des IA. Qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher? Imaginons que l'humanité se tient devant deux portes. Derrière la porte numéro 1, nous arrêtons de progresser dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nos ordinateurs, logiciels et algorithmes cessent de s'améliorer, à cause d'une guerre nucléaire, d'une pandémie mondiale ou encore d'un impact d'astéroïdes. Du coup, on se rend compte que pour que l'humanité arrête de progresser dans ce domaine, il faudrait un cataclysme qui détruise la civilisation telle qu'on le connaît. Ce qui nous amène à la porte numéro 2. Nous continuons d'améliorer l'intelligence de nos machines, année après année, jusqu'à ce que nous arrivions au point où elles seront plus intelligentes que nous le sommes. Et passé ce point, elles pourront s'améliorer elles-mêmes. Si nous créons une super intelligence, cette dernière va créer une ultra intelligence. Nous risquons ce que le mathématicien I.G. Good appelait une explosion d'intelligence, qui signifie que nous perdons le contrôle sur toutes les améliorations. Une super intelligence pourrait être la dernière invention humaine. Ensuite, elle prendra le relais et à un rythme bien plus rapide. Nous ne sommes pas au sommet de la courbe d'intelligence et c'est un point crucial. C'est ce qui rend notre situation inquiétante et notre intuition à propos de ce risque si peu fiable. Si on prend l'une des personnes les plus intelligentes ayant foulé la planète, disons Albert Einstein, on le place sur une courbe d'intelligence. Juste derrière, on trouve vous et moi. Puis encore plus loin, on a le cheval. Est-ce que vous pensez réellement que cette courbe s'arrête à Albert Einstein ? Et qu'il n'y aura jamais personne plus intelligente que lui, en d'autres termes qu'un être humain. Si nous créons une super intelligence artificielle, elle va étendre cette courbe à une mesure que l'on ne peut même pas imaginer. Admettons que nous donnons naissance à une machine qui a exactement le même niveau d'intelligence que le groupe de scientifiques qui l'a créée. Les circuits électroniques fonctionnent environ 1 million de fois plus rapidement que les systèmes biochimiques. Donc, cette machine devrait penser 1 million de fois plus rapidement que les cerveaux qui l'ont créée. En la laissant tourner une semaine, elle va accomplir l'équivalent de 20 000 ans de performance intellectuelle humaine, semaine après semaine après semaine. Je vous laisse imaginer où elle sera après une année. Vous n'y arrivez pas? C'est normal. Comment pouvons-nous comprendre, encore moins contrôler, une intelligence capable d'autant de progrès à un rythme aussi rapide? Il y a également un problème de société derrière tout ça. Imaginons le scénario idéal. Une super intelligence artificielle débarque et il n'y a aucun problème de sécurité et de contrôle. La conception parfaite dès le premier coup. Cette machine sera le travailleur parfait, fera tout ce qu'on lui demande. Elle pourra construire d'autres machines qui seront bien plus performantes que nous dans toutes les tâches physiques, donc en gros la fin des corvées humaines. Mais aussi la fin des travaux intellectuels. car elle sera bien évidemment plus efficace que nous dans ce domaine-là également. Comment notre système économique et politique va pouvoir gérer un bouleversement aussi profond? Ne risquons-nous pas de faire face à une inégalité de richesse et un taux de chômage jamais vu dans notre histoire? Et je doute que l'abondance des ressources générées par cette superintelligence soit distribuée équitablement. C'est également une nouvelle course à l'armement si on regarde bien. Que feraient la Chine et la Russie s'ils apprenaient qu'une société dans la Silicon Valley est sur le point d'aboutir à la création d'une super IA? Cette intelligence sera clairement un avantage militaire sans précédent, aussi bien terrestre que cybernétique. Être en avance de 6 mois dans cette course à la super IA, c'est être 500 000 ans en avance technologiquement, et changer la face du monde du côté du vainqueur. Donc même la moindre rumeur pourrait déclencher une nouvelle guerre froide, voire pire. Créer une super IA, c'est plus simple que créer une super IA dont on a le contrôle. Et étant donné que les gouvernements et sociétés travaillant sur cette technologie se sentent probablement en compétition avec d'autres, alors le chemin le plus rapide sera sûrement le plus tentant, et pas le plus sûr. On pourrait même voir le scénario où un geek surdoué dans son garage, travaillant depuis des mois sur un prototype d'intelligence artificielle, le libère sur la toile, sans aucun contrôle. Pour conclure, encore une inquiétude, peut-être la pire. C'est la façon dont beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle tentent de nous rassurer. L'argument numéro 1, c'est que ce ne sera pas pour tout de suite. On en a bien pour 50 à 100 ans avant que ça arrive. Un chercheur a même dit « S'inquiéter au sujet de la sécurité des IA, c'est comme s'inquiéter de la surpopulation sur Mars. » Le truc, c'est que nous ne savons pas combien de temps il nous faudra pour créer les conditions de sécurité suffisantes, permettant la mise en place d'une IA sans danger. Et 50 ans, c'est pas énorme au final. Ça nous laisse pas autant de marge que ça pour préparer ce qui sera sans doute la plus grande découverte de l'humanité. Encore une fois, il semble que nous échouons à adopter la bonne réponse émotionnelle. Mais bon, on verra bien dans 50 ans. Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Je m'appelle Gaëtan du collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.